Quatrième et dernier temps de notre série, une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'Europe centrale et orientale. Aujourd'hui, le débat. Dans ce débat, enregistré à l'Institut français de Prague avec l'aide et le soutien du pôle Idées et Savoirs de l'Institut français et du Centre français de recherche en sciences sociales et de sa directrice Clara Royer, nous allons tenter de comprendre comment ce passé revient dans le contemporain de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque et quels sont les usages qu'en font les acteurs sociaux et politiques aujourd'hui. Nous le ferons en compagnie des historiennes et historiens Barbara Spalova, Paul Bauer, Paul Gradvol et Balázs Ablonczy. Bonjour à nos quatre invités, à Barbara Spalova, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire à l'université Charles à Prague, ici même. Paul Bauer, vous êtes aussi universitaire ici à Prague. Bonjour. Vous avez la particularité, ça n'est pas un défaut d'être géographe de formation et non pas historien. Ça arrive, hein, et ça arrive d'entre nous. Même au meilleur. Effectivement, Paul Gradvol, bonjour Paul Gradvol. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Lorraine, spécialiste de ces pays dits de l'Europe centrale et orientale, et en particulier de la Pologne et de la Hongrie. Et bonjour à vous, Balázs Ablonczy. Ablonczy, pardon. Vous êtes chercheur à l'Académie des sciences à Budapest, à l'Académie des sciences hongroises. Alors, on pourrait commencer peut-être par vous sur cette thématique des nostalgies, parce que c'est peut-être un des pays, avec sûrement la Pologne, on en discutera, où cette question de la nostalgie nous apparaît le plus frappant quand on regarde ce qui se passe en Hongrie. Alors une nostalgie d'empire peut-être déjà, mais aussi une nostalgie qui laisse avoir un horizon qui n'est pas l'horizon que l'on imagine pour cette Europe centrale et orientale, un horizon plus oriental que dans d'autres endroits. Comme la relation de la Hongrie à l'Empire austro-hongrois ou l'Empire des Habsbourg était toujours un peu ambivalente, je dirais c'est moins une nostalgie d'empire, c'est peut-être une nostalgie de la vocation de la grandeur en quelque sorte, c'est-à-dire un sentiment de perte, mais aussi un questionnement sur l'identité qui est éternelle à peu près depuis 200 ans, à peu près depuis le lancement du projet national, c'est-à-dire depuis le nationalisme moderne. Qui est hongrois? Comment on devient hongrois? Quelles sont nos origines? Parce que c'est toujours un problème, origine dite orientale, où on ne sait pas trop où, une langue assez unique, et pourtant on a un projet de modernisation à l'occidental, donc il y a forcément une tension entre les deux, racines orientales, vocation occidentale. C'est, donc ça a toujours, si je peux me permettre, à titiller les penseurs de la nation hongroise, et bien évidemment il y a des relents aujourd'hui de cette idée-là. Alors des relents qui lorgnent vers l'Orient de temps en temps. On sait par exemple qu'il y a ce festival dont on a souvent parlé dans la presse d'Europe et en particulier la presse française qui s'appelle Kurultai, qui est donc un festival qui se déroule maintenant depuis quelques années tous les ans à 120 km de Budapest et qui rassemble des populations qui viennent d'Asie centrale, de l'espace turc. Et vous avez travaillé en particulier sur cette idée ou idéologie, je ne sais comment on peut l'appeler, qui s'appelle le touranisme, donc qui pense que les racines, les véritables racines de cette Hongrie se situeraient plutôt en Asie centrale, voire en Asie plus lointaine, et qu'il faut donc renouer avec ce passé mythique. C'est une nostalgie, ça, pour vous ? Certainement. Enfin, même, c'est une sensibilité politique et intellectuelle qui est comme une rivière souterraine. Quand j'ai commencé ce travail sur le touranisme, cette pensée orientale hongroise. Ça vient de où d'ailleurs ce terme touranisme? Le touran, c'est dans un langage initial emprunté à l'orientalisme, signifie les terres, enfin les steppes, qui se situent au nord de l'Iran. c'est une opposition mythique entre l'Iran et le Touran, etc. Et ça a été repris dans l'imaginaire hongrois. Et donc, je dirais que ça, c'est, moi-même, j'étais surpris après le départ de cette recherche qu'il y a une véritable immense rivière souterraine, c'est-à-dire de cette sensibilité orientale. C'est aussi ça la nostalgie, c'est que ce sont des rivières souterraines qui surgissent quand on les attend pas. Carrément, qui ressurgissent après le changement de régime, je dirais surtout à peu près le tournant du siècle, c'est-à-dire au début des années 2000, pour différentes raisons qui sont liées à la crise économique, à la crise politique hongroise et toutes sortes de choses. Je dirais que même, vous venez de mentionner le festival des peuples nomades de Kohoutai, qui remplit d'un certain effroi les observateurs français et autres, que je comprends tout à fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand on regarde les valeurs de la société hongroise, on voit que est-ce qu'il faut tourner à l'Est ou vers l'Est ? Pour un Hongrois, la question ne se pose pas vraiment, à vrai dire. Dans ses choix de valeurs, dans ses choix pour l'Union européenne, etc., la société hongroise, la grande majorité, est fermement pro-occidentale. Il y a d'autres choses, c'est-à-dire il y a des sentiments de nationalisme étriqué, c'est-à-dire des sentiments de guerrier de la liberté, etc. Ça, c'est autre chose. Mais quand on pose la question, est-ce que vous voulez aller faire, vous voulez envoyer votre enfant à Oxford ou à Kazan, pas vraiment de questions. Enfin, il y a une réponse univoque, je pense, pour la plupart des Hongrois. Paul Gratvol, j'ai dit, vous étiez spécialiste à la fois de la Hongrie, mais aussi de la Pologne. Vous avez dirigé longtemps un centre de recherche français à Varsovie. Vous-même, quand vous pensez à cette question de la nostalgie, vous dites c'est une nostalgie de la grandeur pour certains des pays de ce groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad, mais c'est aussi la nostalgie de la nostalgie. Qu'est-ce que vous entendez par là, Paul Gratvol ? Dans le cas de la Hongrie et de la Pologne, les années 20 et 30 ont été marquées par une nostalgie officielle des temps anciens, notamment de l'époque médiévale, mais aussi de l'ordre social ancien. Et donc dans ces deux pays, alors que la noblesse officiellement avait un rôle finalement secondaire, même s'il y avait quelques institutions qui la maintenaient, et qu'elle perdait pied économiquement, en fait elle rentrait dans l'administration massivement dans les deux cas. Il y avait un discours sur la société et l'ordre hérité de l'époque féodale qui était très très fort. Et aujourd'hui, on est dans la nostalgie de cette nostalgie, tout simplement. Et donc, cela donne quel effet sur les sociétés que vous regardez, cette nostalgie de la nostalgie, Paul Gratvol ? Alors, ça dépend dans quel état d'esprit est Emmanuel Laurentin ce matin, n'est-ce pas ? Autrement dit, s'il est facétieux, alors il regardera avec une certaine distance les gens qui se promènent en costume d'époque, c'est-à-dire d'aucune époque, mais avec des plumes chez les Sarmates ou en déguisement divers du côté hongrois. Voilà, je pourrais vous décrire les choses en détail. Ceci étant, ça, c'est la partie facétieuse d'Emmanuel Laurentin. Maintenant, nous avons aussi la partie éminemment sérieuse, n'est-ce pas, pour la profession historique. Et là où, pour le citoyen, tout bêtement, et là, ça devient plus délicat, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir une loi qui réglemente le statut des domestiques en Hongrie. On voit en Pologne des politiques historiques qui reviennent sur les réalités de l'époque. Et dans le cas des deux pays, on le voit bien, cette nostalgie est très très forte quand on voit l'après-Première Guerre mondiale. Comme le disait très bien Balázs tout à l'heure, la Hongrie reste bloquée sur Trianon et a beaucoup de mal à voir historiquement... 4 juin 1920, sa signature, entrée en vigueur le 26 juillet 1921. Donc c'est le moment où vraiment il commence à exister. Mmh. Et malgré ça, dans la société hongroise aujourd'hui, on ne comprend pas ce que c'est vraiment que le traité de Trianon. C'est un symbole extrêmement fort. Mais la réalité de la vie de la société hongroise entre le début novembre 18 et 1921 est quelque chose qui est beaucoup plus évanescent. En Pologne, c'est la même chose. En Pologne, on a vu des manifestations le 11 novembre par des bons nationalistes. Fantastique. Mais quand on regarde ce qui se passait vraiment le 11 novembre en 1918, alors d'abord, pour les Français, il faut bien qu'ils comprennent que ça n'a aucun rapport avec l'armistice de Rotonde. C'est la date putative de la recréation assez vague de l'État polonais après la Première Guerre mondiale, qui, de toute manière, ne peut pas vraiment avoir lieu à ce moment-là. C'est une invention des années 20. Et là aussi, on est dans le mythe, extrêmement fortement. Donc, on le voit, la nostalgie de la nostalgie, c'est malheureusement très efficace. Et il y a des choses qui, encore aujourd'hui, où l'accord entre mémoire et histoire est impossible. Donner la parole à l'autre côté de cette table, et en particulier à ceux qui connaissent bien la situation en République tchèque. Barbora Spalová, bonjour. Vous êtes avec nous parce que vous êtes intervenue dans cette journée d'études du CEFRES ici à Prague sur une nostalgie particulière, la nostalgie de la religion dans un pays, donc la République tchèque, où vous m'avez dit avant cet enregistrement qu'il y avait 3 à 4% de pratiquants de la religion, et pourtant il y aurait, disons, une puissance politique potentielle à mobiliser l'idée de la religion plutôt que la religion elle-même et plutôt que la pratique. Barbora Spalová. Alors, c'est aussi pour moi assez étonnant ce développement mais l'Église, notamment l'Église catholique, à la tête d'une mobilisation politique. Et il faut dire que c'est une religion qui réagit, voilà, à un sentiment de la perte, à un sentiment de l'absence, sentiment de l'absence dans lien commun, lien social. Pour les sciences sociales, c'est la question pourquoi cette mobilisation qui est donc menée par la hiérarchie catholique surtout, pourquoi elle est acceptée par la société. Une société qui est déchristianisée. Qui est oui, majoritairement déchristianisée. Qu'on peut très bien décrire par le terme de Daniel Herfiolger comme la société post-chrétienne. Donc ça veut dire que c'est la société où le sens des symboles chrétiens sont pas connus. C'est très difficile de livrer ici un discours vraiment chrétien religieux parce que ça va être très ça va pas être compris par la majorité. Ça va pas être partagé par une majorité de Tchèques. Oui, c'est déjà dans les années 50 pendant les grands procès avec les représentants des ordres monastiques, c'était facile de passer ces procès sans une grande opposition parce que il y avait un tel analphabétisme religieux dans la société, que les gens n'étaient pas capables de discerner que c'est une manipulation. Bon, alors, c'est une description d'une société qui est post-chrétienne et aussi post-athéiste. Ça veut dire que l'athéisme qui a été forcé par le communisme a été aussi déconstruit, on peut dire, après la révolution ou bien le changement de 1989. Et donc, qui crée une situation de la manque de la confiance qui, après, peut être manipulée par cette politisation de l'Église, comme une gardienne de la morale, de l'identité nationale qui est produite dans ces discours. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui n'est pas tellement représenté, mais qui est très important. Et c'est d'un côté, c'est le travail mémoriel de l'Église, comment l'Église a passé ou bien introduit dans la société l'image de l'Église comme victime pure du communisme. Et l'autre cadre très important pour cette situation, c'est le changement qui est venu avec la loi sur la restitution des biens ecclésiales qui a été passée en 2012 et qui donc attribue à certains acteurs dans l'Église aussi un pouvoir économique très important. Et ça va jouer dans les années qui suivent. On en reparlera avec vous. Dernier intervenant de notre discussion, Paul Bauer. Donc, vous êtes géographe, je l'ai dit, ici à l'Université Charles. Et dans cette journée d'études sur la question des nostalgies dans l'espace centre et est européen, vous êtes intervenu sur une question particulière. On parlait de manque. C'est le manque d'une population particulière dans cette République tchèque, la population dite des Sudètes, et cette idée qu'il y aurait quelque chose à aller chercher de l'autre côté de la frontière, là où les Sudètes sont partis, en particulier en Allemagne, pour pouvoir regagner quelque chose de perdu dans la société tchèque d'aujourd'hui. Il y a un point qui est important à soulever, c'est que parler de la nostalgie peut paraître un peu comme un lieu commun quand on désigne les sociétés centre-européennes, notamment parce qu'on associe la formation des nations centre-européennes au mouvement romantique qui a développé un discours sur le passé qui est nostalgique, absolument. C'est-à-dire en inadéquation avec le présent, qui était... dans la première moitié du 19e siècle, la restauration, et puis en même temps la modernisation de la société. Et rappelons que cette idée de nostalgie est née auprès des médecins militaires qui auraient observé chez des soldats partis loin de chez eux pendant de très longues années le mal du pays. D'une certaine façon, c'est comme ça en tout cas que certains psychiatres ou psychanalystes ont analysé au début du 19e siècle. Enfin, ils n'étaient pas psychanalystes au début du 19e siècle, mais aujourd'hui, ce phénomène du début du 19e siècle, Paul Bauer. Oui, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on retrouve dans les sociétés de migrants, hein, qui ont perdu... un lien avec leur lieu d'origine, donc qui expriment d'une certaine manière une nostalgie par rapport à leur passé. Et ça, c'est vrai qu'on le trouve dans les sociétés allemandes qui ont intégré l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui ont continué à exprimer une nostalgie par rapport à la Heimat perdue. Hein, mais ce sentiment nostalgique ne s'exprime pas vraiment en République tchèque. Alors, c'est vrai que c'est lié peut-être à une transformation du rapport au passé à travers l'expérience du socialisme d'État. Et certains acteurs considèrent, 20 ans après la chute des régimes socialistes, que des sociétés centre-européennes auraient encore un rapport au passé qui serait hérité de l'expérience du socialisme d'État. Et donc, la mobilisation du passé allemand sert, d'une certaine manière... à repenser le rapport au passé, en général, pour les sociétés centre-européennes, en intégrant, évidemment, dans ce discours, l'idée de la multiculturalité des sociétés centre-européennes, hein, qui aurait disparu avec la destruction des Juifs d'Europe centrale et les expulsions forcées d'après-guerre des Allemands d'Europe centrale et orientale. En allant chercher justement cette question des Allemands qui ont été expulsés après la conférence de Potsdam, que cherchent, d'une certaine façon, certains des Tchèques qui réfléchissent à cette question de l'au-delà des frontières ? Vous n'êtes pas sans savoir que les sociétés centre-européennes aujourd'hui sont face à une situation politique qui interpelle parce que elle situe la pratique politique à la marge de la démocratie en quelque sorte ou du système démocratique et elle va de pair avec une fermeture de la société vis-à-vis de la différence sociale en général. Intégrer ou réintégrer un discours sur la présence passée des Allemands en Europe centrale, dans un processus de patrimonialisation, par exemple, de l'intégrer dans l'héritage national, c'est promouvoir l'ouverture de la société vis-à-vis de la différence. Une diversité. Exactement. Alors, si on reprend la discussion que nous avons interrompue il y a quelques minutes avec vous, Bola Jablonski, sur ce qui se passe en Hongrie ces temps-ci. On disait qu'il y avait donc des réunions, un rêve, peut-être plus un rêve qu'une réalité tournée vers l'Est pour certains des Hongrois d'aujourd'hui. Mais néanmoins, ils trouvent des vecteurs, ces rêves. Ils trouvent des vecteurs politiques dans certaines formations politiques qui profitent d'une certaine déception du rapport à l'Europe telle qu'elle fonctionne pour pouvoir mobiliser ses rêves et les mettre en musique, pourrait-on dire, avec des groupes de musique, avec tout un tas de groupes de rock qui les accompagnent et qui, d'une certaine façon, mettent en musique justement ce regard porté critique sur l'Europe de Bruxelles. Pas seulement en Hongrie, mais dans toute la région. On a face à une politique mémorielle conduite par des gouvernements ou par des forces politiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire est assez omniprésente dans la région. C'est-à-dire, les débats politiques, pas seulement maintenant, mais déjà au XIXe siècle, s'articulent autour des formulations historiques. C'est-à-dire, on explique un certain nombre de phénomènes par des événements historiques, par des explications historiques, mais ça peut aller jusqu'à penser très bien à des choses extrêmement simples, c'est-à-dire quand il y a un match de foot et la Hongrie perd, on fait tout de suite allusion à la bataille de Mohács, bataille du XVIe siècle qui a fait perdre le royaume médiéval hongrois. C'est pas parce que les journalistes sportifs sont des historiens avérés, mais c'est le langage que le lecteur, entre guillemets, normal, comprend. C'est une allusion assez claire. Mohács, c'est une tragédie, voilà. Paul Gradvol. Oui, enfin, dans le cas de l'emploi de Mohács dans un match de foot, c'est comme si un commentateur français disait c'est Waterloo. Oui, voilà. Ou la Bérézina. Ça n'entraîne pas automatiquement une guerre mondiale dans les 30 secondes. Non, on est d'accord, mais c'est pour ça que je voulais préciser en l'occurrence. Mais Paul Gradvol, quand vous y réfléchissez vous-même, vous dites qu'effectivement, ces réactivations sont des réactivations qui sont fondées parfois sur des colères et des peurs qui se sont lentement adoucies ou qui ont été mises sous le boisseau et qui, de temps en temps, peuvent être réactivées, que ce soit en Pologne, en Hongrie ou dans d'autres pays de la région. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment, dans toute cette région, il y a eu des horreurs qui ont été commises avec des participations très très variables des gens impliqués, mais ils ont été témoins. Ils l'ont vu de très près. Si vous voulez, les Polonais ont eu sur leur territoire plus de juifs français qui sont morts que les français. Et dans le cas de la Pologne, c'est très très criant. Mais dans le cas de la Hongrie, le contact avec la mort ne s'est pas fait du tout de la même façon que pendant la Deuxième Guerre mondiale plus à l'ouest. Deuxième chose, il y a eu ces transferts de propriété, puisque des populations entières ont disparu. Et qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait demandé ou pas d'une certaine façon, enfin, beaucoup de gens l'ont un peu demandé quand même, on a récupéré les biens qui appartenaient à d'autres gens. On connaît ça en France. Simplement, l'échelle n'est pas comparable. Et la logique qui veut qu'il y ait eu, à la fois, pour beaucoup de gens qui étaient quand même plutôt antisémites, encouragés par les églises, etc., une espèce de jouissance de voir que les Juifs avaient le sort qu'ils méritaient, puisqu'ils avaient tué Jésus, ou quelque autre argumentation qu'on puisse avoir, et l'horreur de la situation, cette espèce de grande collusion ingérable intellectuellement et psychologiquement, elle est restée ici comme une source de culpabilité, d'autant plus que on n'en parlait pas, on ne pouvait pas en parler pendant des décennies. Et puis, cela posait une autre question que vous posez parfois, Paul Gradvol. Comment être héroïque? C'est-à-dire, qui est héroïque et quelle est la gloire que l'on peut mettre sur un piédestal et qui mérite cette gloire nationale en particulier? Et là, c'est extrêmement compliqué parce que ces successions de régimes, ces successions de prise de pouvoir dans un sens et dans l'autre, ont fait qu'au bout d'un certain temps, effectivement, on ne sait plus comment aller chercher le héros qui pourrait rassembler la nouvelle nation autour de valeurs, par exemple. Alors, d'une part, ce héros devient l'objet d'une course absolument folle, mais qui ne pourra jamais être réellement satisfaite. C'est pas possible. Et deuxièmement, le pire, ce n'est même pas cette recherche du héros, c'est le fait que, pour la majorité de la population, le discours nationaliste est le suivant. Nous avons tous été des héros, sauf les quelques traîtres. Mais les vrais Hongrois, les vrais Polonais sont nécessairement héroïques. Ce qui veut dire que s'ils se retournent vers leur histoire personnelle, logiquement, leur salon devrait être peuplé de photos de héros qui sont leurs ancêtres. Bon, manque de chance, vous imaginez bien que jusqu'à présent, en tant qu'historien, j'ai jamais entendu parler d'un peuple qui soit à 92% formé de héros. Il faut écouter la télévision nationale polonaise. C'est sûr, c'est une expérience quasi mystique à certains moments, parce qu'on se demande comment quelqu'un peut, après avoir vu ça, se sentir lui-même suffisamment héroïque pour être digne d'être polonais. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Barbara Spalova, la question se pose peut-être de manière un peu différente, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour la République tchèque, parce que cette question de la grandeur, de l'héroïsation, etc., n'est pas envisagée de la même manière, visiblement, ici à Prague, qu'à Varsovie ou qu'à Budapest, Barbara Spalova. Alors, je pense que la stratégie très tchèque d'avoir les héros, c'est d'avoir les victimes. Ce qui est une stratégie très répandue après la Deuxième Guerre mondiale, pas seulement en Europe centrale, mais en toute Europe. Donc, si on parle de la relation tchèque envers le communisme, dans la catégorisation populaire, on peut dire, on distingue trois types de la relation envers le passé communiste. Les héros, les victimes, ça veut dire les héros, et donc les gens qui profitaient de régime. Et dans le groupe des victimes, après 89, il y avait très peu des gens. Il y avait très peu des dissidents, mais c'était vraiment des dizaines de personnes. Et donc, il fallait ce groupe pour une conscience morale de la nation. Il fallait mettre quelqu'un encore dans ce groupe des héros, des victimes. Et donc, c'est voilà le rôle que l'Église a joué. Paul Bauer, vous êtes géographe, je le rappelle. Est-ce que cette question de la géographie telle qu'elle est perçue à l'extérieur a quelque chose à voir avec la façon dont ces pays pratiquent ou non une nostalgie, un culte des héros ou au contraire un culte des victimes, selon vous, Paul Bauer? L'Europe centrale, depuis la France, est une Europe centrale construite à partir de l'Allemagne, puisque les principales références qui ont servi de description des espaces qui étaient autrefois aux marges de trois empires, hein, l'empire russe, allemand et austro-hongrois, enfin avant les années 30 évidemment, sont des espaces qui apparaissaient depuis la France comme une terre un peu inconnue, puisque la France était plus tournée vers son empire colonial. Donc les premiers travaux de géographes sur l'Europe centrale sont des travaux qui se sont inspirés de la géographie allemande, et qui est une géographie de la domination allemande sur cette partie de l'Europe. Et donc, effectivement, ça fait que c'était peut-être un peu compliqué, mais c'est aussi une des raisons aussi peut-être pour laquelle certains de ces pays ou certains de ces gouvernements considèrent avec un jugement assez critique le regard porté, Paul Gardevol, sur eux par les pays européens de Bruxelles ou d'ailleurs. Alors, bien évidemment, des gouvernements comme le gouvernement actuel en Pologne ou le gouvernement hongrois qui viennent de déclarer il y a un peu plus d'un an la révolution culturelle en tant que guerre idéologique contre Bruxelles estiment de toute manière que le seul bon jugement sur eux-mêmes est celui porté par le gouvernement en place. Donc même l'opposition locale n'a pas vraiment le droit d'émettre un avis qui peut sembler justifié. Et pour simplifier la chose, à Budapest, une partie des journalistes d'opposition n'ont plus le droit de rentrer au Parlement. Donc comme ça, c'est plus simple. Donc on est dans une situation où c'est une vision qui est centrée sur le national. Le national lui-même ne recoupe pas l'ensemble du peuple, mais seulement les bons Polonais, qui sont appelés les bons Polonais par le gouvernement, par opposition à ceux qui sont des mauvais Polonais, aussi désigné de cette façon-là. Donc, en Hongrie, on n'est pas très très loin de ça. Bien évidemment, la critique étrangère est insupportable et des milliers d'euros sont dépensés pour diffuser la bonne parole gouvernementale et expliquer aux étrangers, notamment aux Français et aux Allemands, ce qu'il faut penser. C'est la première fois de leur histoire qu'ils sont à l'intérieur. Or, malgré ça, ils font rejouer des situations qui reviennent au comportement assez odieux des puissances occidentales dans l'entre-deux-guerres, au moment où ces pays ont construit leur indépendance, et qui se voyaient comme les parrains de ces pays, les traitant comme des petits frères, dans le meilleur des cas, oui. Avec un délicieux mépris. Oui, voilà, avec un grand mépris. Il faut le dire. Donc, bien évidemment, ce souvenir peut être réactivé, et c'est très facile. Voilà, Jean-Blonsky. J'ai l'impression que, par exemple, dans la presse française, avec Paul Gradvol, on a un petit peu travaillé là-dessus tous les deux, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres, l'Europe centrale, j'ai l'impression que dans les médias français, notamment dans la presse française, est beaucoup plus présente dans les années 20-30, c'est-à-dire les notions, bien évidemment, c'est un terrain conquis aux Allemands ou aux Autrichiens, mais c'est un espace qu'il faut conduire dans l'espace culturel français. Il y a une poussée française absolument visible et assez fantastique en Europe centrale, création de lycées, création de journaux. Il y a en Roumanie, tous les partis politiques ont leur quotidien en français. C'est-à-dire, il y a des instituts français, des lycées français. Oui, mais et là, vous allez nous conduire à une nostalgie impériale de la France, en l'occurrence. À cause de cela, j'ai l'impression que l'Europe centrale est beaucoup présente. Et quand je regarde, excusez-moi, j'y vais sans embâche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Europe centrale est présente dans les médias français à travers quelques clichés. C'est le skinhead d'extrême droite, l'hooligan de foot, les Roms. Et au plombier polonais. Ça, c'est déjà passé depuis. Avant le gouvernement Kaczynski. C'est-à-dire, j'ai l'impression que malgré la multitude de chaînes de communication, etc., l'image de l'Europe centrale est parfois un peu réduite dans les médias français. Vous voulez dire que notre curiosité n'est peut-être pas aussi grande que nous pourrions l'espérer pour un pays qui se veut universaliste, en l'occurrence Paul Gradvol? Oui, il faut rajouter que la spécificité des années 20 et 30, c'est que on avait vendu aux Français la paix en 1918-19 sous trois angles. Le désarmement de l'Allemagne, l'alliance avec les États-Unis et l'Angleterre et l'alliance avec les petits États d'Europe centrale. Les États-Unis ont disparu de la circulation en 1920. Le désarmement de l'Allemagne, assez vite, personne n'y a cru. Donc il y a eu quand même, en France au moins, une tentative pour faire apparaître toujours l'Europe centrale, d'une façon ou d'une autre, comme quelque chose qui existait et qui pouvait rassurer la France, notamment la République tchécoslovaque, la Pologne, la Roumanie, malgré le fait que les relations entre ces pays étaient quand même des plus complexes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une seule force politique française qui éprouve un tel intérêt pour cette région. Et on le voit bien, ne serait-ce que la seule institution qui fonctionnera en ce sens, c'est le triangle de Weimar, associant donc France, Allemagne et Pologne. Et la présence médiatique du triangle de Weimar est des plus réduites. Donc ce contexte géopolitique me semble quand même assez décisif. Barbara Spalova, sur cette question du regard porté par l'Europe occidentale sur cette Europe centrale et orientale, qui porterait cette idée de la nostalgie, en l'occurrence, particulièrement représentée dans ces pays d'Europe centrale et orientale. Qu'est-ce que vous en pensez? On a parlé ici déjà de l'omniprésence de l'histoire dans l'Europe centrale. Il y avait quelqu'un à évoquer les Français qui se débarquent en Europe centrale et qui sont très envahi ou bien très surpris par cette omniprésence de l'histoire. Et je peux avoir un peu le même sentiment quand je vis en Europe de l'Ouest. Mm-hmm. Donc je pense que c'est vraiment une construction qui fait de l'Europe centrale une région nostalgique, voilà, une région imprégnée par l'histoire, qui ne sort pas dans la modernité, voilà. Bien sûr que c'est pas tous les lieux de mémoire qui sont pareils. Il y a bien sûr la différence dans les thèmes, dans les époques peut-être aussi. Mais en fait, le principe est tout à fait le même. Peut-être le nationalisme en Europe centrale est plus concentré sur l'ethnie, sur la culture, sur la langue surtout. Paul Bauer, vous vouliez réagir et Paul Gradvol ensuite. Moins que l'histoire, c'est l'Europe aujourd'hui qui questionne, en fait, qui est un sujet de discussion important pour les sociétés centre-européennes. Je pense beaucoup plus que ce qu'on pense en France en général. Les dernières élections qui ont eu lieu en République tchèque, cet automne, l'ont vraiment montré. Le cœur des discussions c'était l'Europe. C'est comment penser l'avenir de l'Europe, quelle est la place donnée à la République tchèque dans l'Europe, comment recomposer les alliances avec les autres pays européens, la question de l'euro. Voilà, ce sont des sujets qui ont vraiment été débattus et qui ont été débattus pas seulement sur les plateaux de télévision, mais vraiment entre les gens, dans les réseaux sociaux, etc. C'est des choses qui sont importantes à rappeler. Hein, Paul Gardevol. Il faut rappeler quand même que le ministre de la Culture polonais vient d'écrire une lettre tout à fait publique au sujet du musée de l'Europe, d'histoire de l'Europe à Bruxelles, pour critiquer radicalement ce qui s'y fait, parce que pour lui, l'Europe, ça n'est que l'addition d'histoire nationale. Et que toute autre démarche, invoquant une quelconque transversalité, invoquant ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire ce qui passe d'un pays à l'autre, est... Les transferts culturels. Oh là. Je n'emploierai pas de gros mots ici. Toutes ces démarches, sauf si ces transferts culturels viennent directement de Dieu le Père vers ses enfants que nous sommes tous, donc si c'est par la religion, la tradition, alors ça, ça va. Mais pour les autres, ce n'est pas recommandable. Eh bien, ça ne devrait pas être pris en compte par ce musée. Et cette intervention hautement politique montre bien quel type de difficulté il y a aujourd'hui à affronter l'histoire commune. Parce que, malgré tout, comment voulez-vous faire l'histoire des guerres mondiales en Europe comme une simple addition d'histoire nationale ? On peut essayer de construire des mémoires, peut-être, comme ça, mais l'histoire, c'est pas possible. Oui, c'est le projet d'un grand livre commun qui s'appelle « Europa, notre histoire » qui vient de paraître en français. Voilà, Jablonski. En l'occurrence, c'est une tentative, effectivement, de dépasser cette question des clivages entre Europe occidentale, Europe centrale et orientale. Mais on voit bien que cette question des luttes anciennement fratricides a du mal à être dépassée parce qu'il faut prendre en compte la conflictualité et la réintégrer dans la discussion là où on voudrait absolument mettre l'ennemi hors du jeu. Absolument, il y a une, et c'est vrai que quand les politiques s'en mêlent, c'est terrible. Enfin, je dois dire, et j'ai moi-même participé à l'élaboration, par exemple, manuel historique commun hungaro-slovaque, qui n'a jamais paru d'ailleurs, mais peut être lu sur le web. Et enfin, il y a une version hongroise et une version slovaque en plus, donc c'est le cafouillage complet. Et là également, il y avait des interventions d'hommes politiques, d'un côté et de l'autre, enfin avec une différence temporelle, pour dire que un certain nombre de choses ne vont pas. Et par exemple, on a désigné des partenaires, c'est-à-dire je pouvais pas travailler avec l'historien slovaque avec qui je voulais, mais on m'avait dit toi tu travailles avec cette personne-là. Donc il y a cette idée des hommes politiques d'Europe centrale, c'est-à-dire que à travers l'histoire, il faut s'accrocher à son histoire nationale, parce que si on fait la moindre concession, alors c'est la perte de la nation. Et en plus, c'est une trahison. Donc il y a toutes choses horribles qui sont regroupées autour de la notion de l'histoire. Et c'est vrai que c'est très, très difficilement gérable, des fois, en tant qu'historien. Mais bon, c'est le métier qu'on a choisi. Hein. Oui, et c'est un métier dans lequel vous êtes transnationaux, où vous discutez en français, en anglais, en allemand et en d'autres langues. En allemand, un petit peu moins. Peut-être, mais en d'autres langues, en l'occurrence. Je comprends. Avec vos homologues, et vous voyez que ce qui est possible au niveau de l'université, de la recherche, l'est beaucoup moins dans la sphère politique, en l'occurrence. Et ça vous chagrine, j'imagine, sur ce point-là. Oui, enfin, s'il y a des collaborations académiques ou dans le monde universitaire, ça peut se passer des fois. Donc, les politiques, comme c'est parfois très spécifique, les politiques ne s'en mêlent, mais quand il y a des grandes occasions, des centenaires, des commémorations, etc., là, la politique est présente. Vous voulez dire que quand on va arriver en 2020, ça va être... Ah oui, je suis en train de conduire un groupe de recherche sous le traité de Trianon et je peux vous dire, j'en ai déjà eu des lettres. De partout, en fait. Vous vous préparez à la bagarre, en l'occurrence, c'est ça? Je fais du vélo, oui. Paul Gratvol oui. Et Barbara Spleur. Juste un point technique, mais qui est décisif. Aujourd'hui, les financements de la recherche en histoire contemporaine, que ce soit en Hongrie ou en Pologne, ont été écartés pour l'essentiel des institutions de recherche sérieuses et habituelles pour être confiées à des institutions comme celle qui relève de Maria Schmidt. Maria Schmidt est le cerveau historique de M. Orban. Je n'en dirai pas plus. Vous en reparlerez peut-être dans d'autres émissions. Et en Pologne, c'est la même chose avec l'IPN, c'est-à-dire que les universités aujourd'hui et les académies des sciences ont beaucoup moins d'argent que des centres de recherche ou des faux centres de recherche en histoire contemporaine, totalement télécommandés politiquement. Barbara Spalova. Oui, j'ai voulu juste ajouter quelque chose à cette vision de l'addition que le musée de l'histoire de l'Europe ne peut être que l'addition des histoires nationales. Je ne le verrais pas seulement comme une crainte de perdre cette version nationale de l'histoire, mais c'est aussi une sorte de nécessité, on peut dire, ou bien on peut le prendre aussi positivement, parce que voilà, la République tchèque, ou bien Tchécoslovaquie d'abord, avait aussi cette commission historique avec l'Allemagne. Ça fonctionne, la commission fonctionne, ça fait des années. On n'a toujours pas le manuel. Très tôt, ils ont laissé tomber ce projet d'un manuel commun, parce que, évidemment, c'est vraiment tellement difficile, ou bien il faudrait tellement simplifier les choses si on cherche à expliquer l'histoire dans une langue commune, qu'ils ont laissé ça comme ça. Et donc la solution tchèque pour les enfants, c'est de leur donner pendant les premières années, donc à l'école primaire, ils ont quelque chose qui s'appelle Vlastivieda, ça veut dire la science de la patrie. La Volkskunde, l'ancienne Volkskunde de l'Allemagne. Et là, on apprend vraiment, c'est pas l'histoire, c'est vraiment la mémoire. C'est donc la narration sur le grand peuple tchèque. C'est possible. On a même beaucoup de films pour les enfants qui ridiculisent cette narration mémorielle. Mais c'est quelque chose qu'on apprend. C'est le socle. Voilà. Et après, qu'à partir de 6e classe, donc les enfants sont 12, 13. Donc on commence à travailler avec les documents historiques. Et là, déjà, c'est plutôt bienvenu quand la multiplicité des versions de l'histoire est présente dans l'école, dans l'éducation. Il y a plein de projets qui sont menés par les ONG qui prennent les enfants dans la complicité de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en place des lieux de mémoire comme on l'a fait pour la nation française et on a essayé de le faire ailleurs pour tout cet espace dont nous venons de parler aujourd'hui? Et ça serait extrêmement difficile, j'imagine, mais... Pour les peuples d'Europe centrale, ouais. Vous voulez dire? Non, il y a des initiatives comme ça. Oui, j'ai compris. Il y a des initiatives, enfin le fonds de Visegrad qui finance un certain nombre de projets comme ça, et ça peut exister. Comme il y a quand même, je mettrai en garde les auditeurs de voir en Europe centrale des petits peuples qui s'entretuent sans cesse. C'est-à-dire, il y a vraiment une tradition de multiculturalité ou de ou du moins de coexistence plus ou moins pacifique, dont les lieux de mémoire existent et même sont parfois honorés. C'est-à-dire, quand je vais à mon lieu de travail à l'Université de Budapest, je passe devant des plaques commémoratives serbes parce que Buda était un lieu important pour le livre, pour l'écriture roumaine serbe de cette période, pour les Slovaques également. Donc il y a, et inversement, ça existe, ça commence à exister en Slovaquie et ailleurs. Donc je serais... Je mettrais une note plutôt positive sur ça, c'est-à-dire... C'est-à-dire que le travail souterrain fait par, et même visible, fait par les chercheurs, les historiens... Il y a des associations civiles, enfin je connais un certain nombre et la société civile qui travaillent sur ça et qui font des petits progrès, un petit livre par là, une petite statue par là, qui quand même... qui influence. Bon, enfin, je suis plutôt sceptique sur les statues et les plaques commémoratives, mais ça fonctionne quand même des fois. Paul Gardevoil. Non, et quand on prend le développement de la mémoire juive dans cette région, il est essentiellement porté par des associations, par des personnes privées. Le musée Pauline n'est pas un musée d'État. Regardez centropa.org, si je peux, par exemple, des histoires. Centropa.org. Oui. Des histoires de familles juives d'Europe centrale, qui est fabuleux. Oui. Merci en tout cas de terminer sur cette vision plutôt optimiste de notre situation, de la situation ici même, donc à Prague et dans la région. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible cette émission ici à l'Institut français à Prague. Et puisque nous sommes vendredi, nous terminons cette émission avec la rubrique « C'était à la une » conçue avec le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Un grand article de presse lu par un comédien. Aujourd'hui, Daniel Königsberg nous parle des Halles au XIXe siècle. J'accuse, les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain, en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Figaro, 9 août 1866. Les Halles. Au cœur de Paris, un monument où le monstre aux 1900 000 bouches vient chercher sa pâture quotidienne. Tout alentour, un réseau de rues qui s'éveille à l'heure où les autres s'endorment. Un quartier que sillonnent chaque nuit jusqu'à 12 000 voitures et qui, de 4h à 10h du matin, voit s'ajouter à ses 42 000 habitants une population flottante d'au moins 60 000 âmes. Centre bruyant aux mœurs hybrides, étrange assemblage de richesses ignorées et de misères qui s'étalent au soleil, la blouse cossue frôlant le paletot râpé, la fainéantise coudoyant le travail. Ce sont les Halles. Ne vous semble-t-elle pas digne d'une excursion, pour être moins loin que le Kamtchatka, elles n'en sont guère plus connues du Parisien. Nous entreprendrons ensemble, si vous voulez, ce voyage à la découverte. Quand cela ? Tout de suite. Juillet nous favorise d'une de ses nuits les plus douces et c'est demain dimanche, un grand jour de marché. En 12 heures, nous aurons le temps de voir bien des choses. Minuit va sonner. Êtes-vous prêts ? En route. 6 pavillons uniformes alignés sur 2 rangs s'abritent sous un énorme parapluie de fer de 20 000 mètres de superficie. Une forêt de sveltes et élégantes colonnettes supporte, comme en se jouant, cette gigantesque toiture. De larges trottoirs plantés d'arbres s'étendent autour du vaste parallélogramme que traversent 3 grandes voies couvertes, l'une longitudinale et la grande allée. Les 2 autres, transversales, prennent le nom d'allée de la lingerie et d'allée au petit A. Les 6 pavillons actuels, qui ne forment que la seconde moitié des Halles futures, et sont en conséquence numérotés de 7 à 12, ont chacun leur destination propre. Ici, c'est le pavillon aux fruits et aux fleurs. Là, le pavillon aux légumes. Plus loin, le pavillon aux poissons. Et en face, celui aux œufs et au beurre. En gros, le cinquième est consacré principalement à la vente de la volaille et du gibier. Quant au dernier, on y débite tant de choses que l'archevêque de Paris lui-même n'en put soutenir l'énumération jusqu'au bout. Vous connaissez peut-être l'anecdote. C'était lors de l'inauguration des Halles Nouvelles. Monseigneur Cibourg, ayant à son côté un cicérone chargé de le mettre au courant de la destination des pavillons, allait porter solennellement sa bénédiction de l'un à l'autre. Cinq déjà avaient été l'objet de la même cérémonie. « Ici !» murmure le guide arrivé au sixième. « C'est le pavillon beurre en détail !»« Je bénis le pavillon beurre en détail !» dit l'archevêque en étendant les mains. « Et au pain !» souffle le guide. « Au beurre en détail et au pain !» dit Monseigneur Cibourg en se reprenant. « Et à la viande cuite !»« Et à la viande cuite !»« Et aux ustensiles de ménage !» Oh ! Fit le prélat avec un geste désespéré. « Je bénis tout, tout !» Au-dessus de la halle qu'on voit, il y a celle qu'on ne voit pas. Nous ne pourrions mieux commencer notre exploration que par celle-là. À minuit, les pavillons sont fermés. Mais nous avions à la main le sésame ouvre-toi qui fait tourner les grilles sur leurs gonds. Une trentaine de mètres à descendre et nous sommes dans les caves. Paul Parfait. Voilà donc pour toute cette série consacrée à l'histoire de l'Europe centrale et orientale. Vous pouvez évidemment, comme toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, la télécharger sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est FabriqueFC, FabriqueFC. La semaine prochaine, nous participerons à la série spéciale de France Culture sur les explorateurs et nous vous proposerons des rediffusions de documentaires.